Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Une Myriam Leland enrhumée au micro. Avec une gentille la France totalement en forme. Bonjour, Myriam. Bonjour. Donc, Jean-Tienne, tu nous as préparé quelque chose cette semaine à l'émission qu'on va écouter en deuxième partie. Tu as rencontré le collectif Pierre et Marie. Oui, Pierre et Marie qui sont les artistes qui participent à ce lieu de diffusion, je l'appelle comme ça, qui est le Lumière sur l'art. Donc, ce sont ces grands abat-jour sur l'avenue Cartier. Et puis, on en parlait la semaine dernière. C'est intéressant parce que depuis les trois dernières éditions, c'est vraiment des artistes vivants qui proposent des œuvres qui sont faites pour ce format très atypique. Oui, c'est ça, parce que les premières éditions, c'était des œuvres qui faisaient partie de la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec, parce que c'est le musée qui pilote ce projet-là. Puis c'était des œuvres qui étaient adaptées aux abat-jour. Puis là, comme tu dis, ouais. Depuis les trois dernières éditions, ce sont vraiment des œuvres qui sont créées pour ces abat-jour-là. Oui, et le collectif Pierre et Marie, bon, on les connaît notamment pour leur travail avec la lumière, les objets réfléchissants, le néon artisanal, les feux de Bengale. Oui, exactement. Donc, ils ont vraiment beaucoup misé sur ce travail de la lumière pour venir mettre un peu de lumière dans cette année sombre, qui est l'année 2020, et de chaleur. Donc, c'est une belle activité à faire en famille, je dirais, aller voir ces œuvres-là sur l'avenue Cartier. Le projet s'intitule « Le paysage révolutionnaire ». Donc, ils ont beaucoup joué sur l'effet paysage de ce format qui est tout en long et tout en rond. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer à leur atelier dans le Saint-Sauveur et on s'est assis ensemble une quinzaine de minutes pour parler de ce beau projet. Mais avant cette entrevue, en première partie d'émission, c'est un autre atelier. C'est Marie-Claude Drelet qui s'est entretenue avec son colocataire d'atelier, Jean-Michel René. Oui. Ben Jean-Michel qui est un de nos chroniqueurs occasionnels. Oui, qui a pris une pause cette saison-ci, mais qui souhaite revenir lorsqu'il a un peu plus de temps. Mais il avait pas de temps justement cette saison-ci parce que il avait notamment une résidence au Saguenay. Exact. Et c'est un retour sur cette résidence-là que Marie-Claude Drelet fait avec Jean-Michel René. Donc on a deux belles grande conversation là, pour l'émission d'aujourd'hui. Et la musique, est-ce que tu veux nous présenter la sélection musicale, Myriam? Ben oui, c'est toi, Gentilhomme, qui s'est gâtée cette semaine pour nous présenter quelque chose de nouveau. C'est un album qui est tout frais, tout chaud, sorti le 13 novembre 2020, qui s'intitule « Because of a Flower » et c'est l'artiste Anna Roxanne, qui est une Californienne de 34 ans, qui fait de la musique... on peut pas appeler ça exclusivement instrumental parce qu'il y a également beaucoup du spoken words. C'est très doux, c'est très, très apaisant, des longues pièces, justement, tout en douceur et en longueur, là. C'est enveloppant, ça fait du bien, je trouve. Exactement, oui, c'est ça. Donc, on se laisse déjà pour la première pièce de la soirée qui est A Study in Vastness. Et au retour de la pause, on écoute Marie-Claude Drelet et Jean-Michel René parler de la résidence de ce dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Thank you. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Drolet et j'ai avec moi Jean-Michel René pour parler de son année, de ses projets de l'année en fait. Donc Jean-Michel René, artiste multidisciplinaire de Québec, tu partages un atelier de création avec d'autres artistes. Oui. Et tu t'impliques dans différents centres d'artistes à Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien en fait, je suis un artiste multidisciplinaire. J'ai un parcours, en fait, j'ai étudié à l'Université Laval en arts visuels et métiers éthiques. Je dirais que dans les dernières années, je me suis intéressé à beaucoup de formes d'expression artistique qui touchent beaucoup aux arts visuels, comme mais des disciplines qui sont proches de l'image. J'ai vraiment une affection particulière pour tout ce qui est photographie, un peu vidéo aussi, parce qu'il y a un rapport temporel avec ce médium-là, mais je dirais que c'est ça. Ma pratique tourne essentiellement autour de l'image, mais touche à beaucoup de disciplines, autant sculpturales qu'installatives. Du dessin aussi, parfois. Oui, oui, dessin, oui. Jean-Michel, tu as eu une année 2020 quand même assez bien remplie au niveau des projets en or. Donc, on a pu voir ton travail notamment chez Anne-Marie, un centre aux îles de la Madeleine, donc dans le cadre de la programmation Colis Suspects. Donc, tu as réalisé une installation, je crois, à l'intérieur d'une boîte qui est présentée... C'est à l'aéroport. Oui, à l'aéroport. Oui, c'est ça. En fait, c'est un espace qui est très intéressant. Moi, c'était une chose qui... c'était un centre qui m'intéressait depuis assez longtemps. Parce que justement, il y a une singularité au niveau de l'espace de diffusion. C'est dans une vitrine qui est directement annexée, en fait, qui est à l'intérieur de l'aéroport. Cette contrainte-là t'intéressait particulièrement? Oui, oui, quand même. Puis j'ai proposé le projet « Don't need to be safe, I'm fine », qui est un projet d'exposition. En fait, ça s'insère dans une trilogie de projets. C'est, disons, un peu la recherche que j'ai eue dans les dernières années. Fait que oui, ça a été quand même relativement une bonne année. Ce projet-là a été présenté début septembre jusqu'à la mi-octobre, c'est bien ça? Oui, pour la rentrée culturelle, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller sur place ou la pandémie a fait en sorte que tu as dû rester à Québec? Oui, j'ai dû rester à Québec, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça, aller faire un tour là-bas, mais c'est sûr que l'intérêt, je dirais, c'est d'aller sur place, c'est beaucoup d'aller rencontrer les communautés, aussi d'aller voir les gens qui sont... De rencontrer d'autres personnes qui travaillent aussi dans le même milieu culturel, puis des choses comme ça. Oui, puis là, d'aller à la rencontre d'un nouveau réseau. Oui, oui, c'est ça. Puis de parler de sa pratique aussi à d'autres personnes, puis de rencontrer un nouveau public aussi. Puis ben là, avec la COVID, c'est sûr que c'était pas propice à tout ça. Puis je trouvais que c'était pas ça valait peut-être pas la peine de prendre un risque de me déplacer. Puis, Par contre, tu as eu la chance de te déplacer vers le lac Saint-Jean. Oui, oui. Donc, dans le cadre d'une résidence de recherche et création au Centre Langage Plus. Donc, oui. C'était du 18 octobre au 13 novembre dernier, un partenariat avec Logique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, bien, ça a été une super expérience. Pour moi, c'était comme... ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de résidence. En fait, c'était dans mes premières résidences à l'extérieur de la ville de Québec. Puis c'est une résidence d'une durée d'un mois. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant de consacrer un mois de pratique à un projet plus particulier aussi, là, qui était aussi le même projet qui était présenté à Anne-Marie. Donc c'est la poursuite? Oui, c'est ça. Fait que c'était le fun pour moi parce que dans la même, disons, dans les mêmes mois consécutifs, bien, j'étais encore dans cette espèce d'engouement-là pour le projet. Je venais de présenter à Anne-Marie, puis j'étais encore un peu dans cette recherche-là. C'était encore foisonnant. Puis, c'était encore frais, tu avais des idées encore qui arrivaient pour, au niveau de ta recherche. Oui, puis la proposition aussi de cette résidence-là, elle s'est faite assez... c'était assez récent, c'était pas... on est comme un peu habitués aussi, malgré nous, à vivre des appels de dossiers puis à penser les programmations, un peu nos projets échelonnés sur 2 ans, 2 puis 3 ans. Puis là, c'était le fun parce que, justement, l'appel s'était fait, je pense que... mois avant, puis tout était frais, c'était vraiment, vraiment agréable comme timing. Puis... Oui, parce que ça arrive parfois qu'on fait des demandes, puis finalement le projet a lieu un an et demi plus tard, puis là, il faut se remettre un peu dans notre proposition qu'on a envoyée, mais là, c'était encore vraiment frais, puis tu étais dans l'action par rapport à ça. Oui, donc, ton projet, donc c'est une trilogie? Oui, c'est ça, ça s'inscrit en fait... C'est une trilogie qui part en fait d'une exposition particulière qui était ben, une exposition précise qui avait été présentée au lieu en 2017 qui s'appelait Les Fous de Bassan. Puis ces trois projets-là, en fait, ils partent d'une trame narrative qui raconte un peu le récit d'un homme qui disparaît dans sa baignoire. Fait qu'il y a comme un peu un récit un peu mystique, presque absurde. En fait, le troisième volet s'articule beaucoup autour d'objets qui sont tirés de l'univers de la sécurité nautique. En fait, mon intérêt a été particulièrement mené m'a été guidé parce que j'ai eu, en fait, dans les premiers projets, je travaillais beaucoup avec la baignoire. C'était pour moi comme un objet autoportant qui enveloppe le corps. Il y avait comme toujours une relation avec le corps. Puis dans cette série-là, c'est plus, ça s'est transposé, en fait, dans l'idée d'un l'image d'un radeau de survie qui pour moi, des caractéristiques, des qualités sont très similaires et semblables. Il y a d'autres éléments aussi qui sont récurrents dans tes derniers projets, comme le gilet de sauvetage, par exemple, puis même, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, mais j'ai... C'est en fait, c'est toujours des objets qui ont rapport avec l'espace, le corps, beaucoup avec le paysage aussi. C'est sûr que la baignoire, je l'ai un peu transposée dans un univers qui n'était pas son univers propre. Non, habituellement, une baignoire, on la voit plus dans une salle de bain, mais il y a tout le temps cette relation-là aussi à l'espace. La baignoire, c'est pas une baignoire qui est à côté, contre le mur. C'est un bain qui est autoportant, qui a une forme de navigation dans l'espace avec cet objet-là. Comme le radeau navigue aussi à travers la mer, il y a comme une sorte d'intérêt pour cette idée-là de l'espace. Donc, c'est des éléments qui nous portent, puis c'est aussi des éléments qu'on peut porter Oui, c'est ça, si on pense au gilet de sauvetage, par exemple. Donc, concrètement, durant un mois à Langage Plus, est-ce qu'il y avait plusieurs étapes dans ton projet ou comment ça s'est déployé dans le temps? Oui, ben, j'avais quand même un bon carnet de travail, je dirais, comme je m'étais fait une liste de choses que je voulais aborder. C'est sûr que le fait d'être à proximité du lac Saint-Jean aussi, ça m'offrait beaucoup de possibilités. J'ai décidé d'acquérir en fait une sorte de combinaison de survie qui était faite pour une combinaison en néoprène qui est faite pour aller en eau froide, qui est utilisée aussi pour dans des cas de survie nautique, là, quand il faut quitter un navire qui est des situations d'urgence, plus précisément. C'est pas pour faire de la plongée, là, c'est vraiment Fait pour, ouais, c'est vraiment fait pour survivre dans des eaux. Donc c'est une combinaison qui flotte. Ouais, qui est flottante. Puis, fait que ça a été pas mal un objet qui m'a beaucoup intéressé pendant ma résidence. J'ai travaillé beaucoup le textile. C'est une chose que j'avais commencé dans la dernière année un petit peu à aborder. J'avais travaillé la confection de petits fanions. Fait que je dirais que ça a été le principal objectif, je pense, de la résidence. Beaucoup travailler le textile. Donc, par la couture, Oui, par l'assemblage de tissus. de tissus, j'ai fabriqué des petits fanions. En fait, le titre du projet de la résidence, s'appelait Mon navire est indemne, je demande la libre pratique, Oui. qui est tiré d'un fanion du Code international des signaux maritimes. Fait que c'est un signal, en fait, c'est un fanion qui est utilisé qui est utilisé dans. C'est un code, en fait. Oui, c'est ça. C'est un fanion qui est utilisé couramment là, dans le commerce maritime. Puis pour moi, ça m'évoquait beaucoup cet esprit du projet, l'idée d'aller un peu à la dérive, mais sans se soucier un peu des. Je dirais pas sans se soucier des conséquences, mais plus d'y aller une sorte d'appel au risque. Pour moi, ce titre-là, ce fanion-là, représentait pour moi ces choses-là. Je sais pas si c'est utilisé précisément à cet escient, mais. Fait que j'ai confectionné un peu des répliques de ce fanion qui est comme un fanion qui est monochrome jaune. J'ai travaillé là-dessus. Puis j'ai travaillé aussi à confectionner ma propre veste de sauvetage. Ah oui? Oui, ça faisait longtemps que je dirais que le projet a toujours tourné autour d'une seule et même couleur qui était Une espèce de rouge-orangé, Ouais. est-ce que c'est vraiment tiré d'éléments de sauvetage? Oui, c'est ça, c'est une couleur qui est tirée d'une veste de sauvetage en particulier. Mais j'ai toujours eu cet intérêt de travailler aussi avec un jaune fluo qui est utilisé aussi dans la confection d'éléments nautiques, justement pour la survie nautique. Puis j'ai toujours eu cet intérêt-là d'avoir une veste de sauvetage qui était un jaune fluo. Puis Fait que ça, j'ai travaillé là-dessus aussi, là, à confectionner ma propre veste. Fait que ça, c'était une première aussi. Là, de des faire, couleurs là. Aussi qui contrastent, c'est ça, qui contrastent en fait avec peut-être les éléments naturels, puis les gens qui pourraient être en mer. C'est des couleurs qu'on repère rapidement, oui. Là, oui. Qui attirent l'œil. Mais c'est ça qui m'a intéressé beaucoup aussi avec le... Quand je réfléchissais un peu à cette... À ce dernier volet-là, il y avait beaucoup l'idée du le radeau. Oui, ça m'inspirait comme un espace de réflexion, un espace qui était proche de ce que je retrouvais dans la baignoire. Mais il y avait aussi cette idée-là de cette couleur orange vive qui s'intègre dans un paysage. Parce que jusqu'à présent, il y avait toujours eu cette idée-là aussi d'intégrer les objets dans un paysage ou dans un espace concret ou direct. Parce que c'est documenté par la photographie, oui, surtout, très souvent, ton travail en... Oui, ça se manifeste beaucoup en photographie au final, ou installation qui mixe un peu la photographie. Mm-hmm. Donc, tu t'imaginais aussi ces éléments-là que tu portais toi-même, en fait. Donc, il y avait une certaine mise en scène, je pense, à certains moments. Oui, il y a toujours une sorte de petite mise en scène qui n'est pas propre à toute ma pratique. Je dirais que c'est plus évoqué dans cette théâtralité-là et plus présente dans les trois derniers projets que, justement, j'ai élaboré un peu plus dans les dernières années. Puis suite à cette résidence-là, qu'est-ce que tu ramènes comme travail en atelier? Est-ce que ça a donné naissance à d'autres projets, d'autres volets de cette recherche-là? Oui, beaucoup. Je ressors en fait avec beaucoup d'images, principalement. Beaucoup d'images aussi, c'est sûr que la veste de sauvetage et ces éléments-là qui me restent, mais j'ai beaucoup de photographies qui me nourrissent aussi dans ce récit-là. Il y a comme des choses c'est des choses que j'avais réfléchies, que j'avais beaucoup mis en mots, mais qui n'avaient pas été très imagées dans les dernières années. Fait que là, je dirais que... Les matérialiser aussi, ouais, ça... Ça m'a beaucoup nourri, puis ça va me nourrir aussi dans la suite des choses, hein, dans cette idée-là. Je pense que je vais probablement aussi faire d'autres interventions avec la combinaison, éventuellement. Tu l'as gardé? Oui, c'est ça. Ouais, oui. Ça, c'est une acquisition. C'est ça. Donc, tu as profité du lac Saint-Jean. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire quelques collaborations, des rencontres marquantes, peut-être? Oui, c'est sûr que l'équipe de Langage Plus, c'est vraiment super. J'ai vraiment apprécié de travailler avec l'équipe là-bas. Puis, c'était une super rencontre. Je pense qu'on va garder contact. Mm-hmm. Avec le temps. Oui. Donc, Jean-Michel René, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent concrètement pour 2021? Pour 2021, pas présentement, pas que je pourrais parler. Mais, 2022 peut-être? Mais 2022, c'est sûr qu'avec la pandémie, j'ai une exposition qui a été reportée, qui était à Vaste et Vague. Donc, probablement que je vais travailler aussi là-dessus encore. Ça va peut-être me donner la chance de revoir un peu ma proposition qui était initiale. Puis, mm-hmm. Voir les choses, mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses pour la suite à venir. Ben, je te le souhaite. Merci. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec moi pour ce retour sur ta résidence à Langage Plus cet automne. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Vous venez d'entendre un entretien entre Marie-Claude Drolet, notre chroniqueuse hebdomadaire, et Jean-Michel René au sujet de sa résidence de création au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se laisse pour une pause audio avec la piste Suite pour l'invisible de l'artiste Anna Roxane, suivie d'une pause publicitaire. Et au retour de la pause, on entend Gentilhomme s'entretenir avec le collectif Pierre et Marie. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et je suis en présence de Pierre et Marie. Bonjour! Bonjour! Vous avez inauguré cette semaine le projet Les Paysages Révolutionnaires, qui est en fait, qui fait partie de ce lieu de diffusion qui est Les Lumières sur l'art sur l'avenue Cartier. Je vous lancerai d'abord sur ce titre, Les Paysages Révolutionnaires. Pourquoi révolutionnaire? En fait, d'une part, révolutionnaire, c'est pour évoquer le format du support, des abat-jour qui est circulaire. Mais aussi, en travaillant sur le projet, on se disait, crime, il y a vraiment quelque chose de, tu sais, qui est propre au travail de l'artiste, mais tu sais, dans la recherche de chercher à créer une émotion, insuffler de la poésie, tout ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résistance ou de la révolution. Tu sais, surtout en ce moment, on a commencé à travailler sur ce projet-là en mars dernier, donc on était comme en plein confinement. Donc tout ce contexte-là, on se disait créer puis faire de l'art à une époque comme dans laquelle on est, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif puis un peu de l'ordre de la résistance puis de la révolution. Puis on avait envie de faire un projet vraiment qui prennent qui très très assumé là des images colorées, très très claires, ou en tout cas on trouvait que ça fonctionnait bien avec ce qu'on avait envie de proposer, d'affirmer un peu la mission de l'art comme un service essentiel. Oui, vraiment. Vraiment, puis on se rend compte depuis qu'on a inauguré le projet, tu sais, la réponse vraiment incroyable qu'on a de la part de beaucoup de médias, parce qu'entre autres, en ce moment, le milieu culturel est pas actif comme on le voudrait à cette période-ci, mais tu sais, on je pense on que a les beaucoup... gens avaient besoin de petites doses de fantaisie, justement, puis de gaieté, là, tu sais, avec un projet comme Lumière sur l'art, là, avec les paysages révolutionnaires, mais... Ouais, ça démontre vraiment, je pense, qu'il y a un besoin là, d'art, puis que l'art soit présent. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire, là, quelque chose de très assumé, puis que ça prenne de la place, tu sais, que ça passe pas inaperçu. Puis dans les paysages qui sont construits, parce que oui, ce sont des petits paysages que vous avez créés en atelier, on sait que le travail de la lumière fait partie de votre démarche, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez poussé justement dans cet objectif-là de venir apporter de la lumière aux citoyens et citoyennes de Québec? Oui, vraiment, c'était comme un des éléments qui nous a allumés, là, pour faire un mauvais jeu de mots dès le départ. Tu sais, mais c'est des éléments de notre langage plastique, de toute façon, déjà en partant. Mais tu sais, on a travaillé beaucoup sur le fait que c'est des photographies rétroéclairées, qu'on voit du néon, des bougies, des étincelles, puis des éléments. On a joué sur la lumière, mais sur la brillance aussi, là, tu sais, des éléments comme du papier. Papier aluminium, du papier doré, tout chiffonné. On a, avec le papier, avec des paillettes, le kaléidoscope, tu sais, fait que toutes des matières qui réfléchissent beaucoup la lumière, puis... Et puis le fait que ça soit rétro-éclairé, est-ce qu'on travaille l'image différemment que si c'est un médium qui est éclairé qui est opaque puis qui est éclairé de l'avant, par exemple? Ben en fait, on n'en a pas tellement tenu compte au moment de concevoir tout ça. Ça a été plus dans le travail. Quand on a pris les prises de vue, on n'a pas vraiment pensé à cet effet-là, mais c'est plus après, quand on a fait les premiers tests d'impression, là, on vérifiait qu'est-ce que ça donnait avec le vrai matériau, puis avec la lumière en arrière. Puis là, on est venu réajuster certains contrastes, puis certains éléments lumineux. Mais c'était comme trop difficile de prévoir exactement ce que ça allait donner, tu sais, au moment des prises de vue. Et le collectif Pierre et Marie, ça fait longtemps qu'il existe. C'est vous deux, c'est Pierre et Marie. Et puis là, on sent que de plus en plus les enfants de la famille commencent à faire partie du collectif. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, mais c'est pas quelque chose de vraiment volontaire, dans le sens qu'on veut, tu sais, faire des projets familiaux. Mais dans le cas des paysages révolutionnaires, c'est vraiment venu un peu par la force des choses, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est, on a commencé à travailler là-dessus au mois de mars, fait que là, on a eu les écoles enfants. Étaient fermées, oui. Moi, c'est ça, avec le confinement, mm-hmm. tu sais, forcément, les enfants étaient beaucoup plus avec nous, puis là, l'école à la maison, à l'atelier, fait que là, tu sais, on essayait de travailler le plus possible sur ce projet-là, tout en faisant en sorte que le l'équilibre familial. L'équilibre, moi, ouais, c'est ça, fonctionne. Puis là, à un moment donné, on s'est comme décidé à demander, à proposer aux garçons de, s'ils avaient le goût, là, de mettre leur grain de sel, puis de voir, tu sais, ça vous, on leur a proposé de faire des petites des phrases poétiques, puis, c'est ça, à partir de là, ben, ils se sont inspirés des photos qu'on avait, de réaliser à ce moment-là, ou en cours de processus, puis c'est ça, fait qu'ils ont comme mis leur petit leur contribution à notre projet, mais tu sais, comme Marie vient de dire, tu sais, on veut pas faire de l'art en famille nécessairement, tu sais, mais là ça se prêtait bien, puis tu sais, on se disait, les gens vont avoir besoin. Ils se sont prêtés au jeu aussi, les garçons, fait que ça servait bien l'ensemble du projet, puis Oui, parce que des fois, tu sais, ils ont souvent beaucoup d'idées, puis ils sont comme, ah, vous devriez faire ça, ou ah, ça c'est poche, tu sais, faites ça comme ça, puis tu sais, ça honnêtement, ça nous énerve un peu, mais tu sais, là... On a des grands critiques d'art, là, qui nous guident. Ils vont aller étudier en histoire de l'art. Je sais pas, mais en tout cas, tu sais, là, on trouvait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment rassembleur, puis super accessible, puis de qu'on voulait très onirique, poétique, coloré. Tu sais, on trouvait que ça se prêtait vraiment bien, puis tu sais, on voulait justement insuffler une espèce de poésie, de un petit peu de merveilleux, tu sais, dans le quotidien, fait que d'insérer des phrases comme un côté plus concret, là, disons, ouais, de puis... cette façon-là. Quelque chose de plus narratif, peut-être? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup en sculpture, en photo, mais tu sais, là, ça vient vraiment s'incarner dans des mots d'enfant. Là. Mm-hmm. Et on trouvait que ça ponctuait bien le parcours. En fait, il y a comme 5 des 34 abat-jours qui sont vraiment avec des petites phrases poétiques là, composées par nos garçons. Et si on revient justement à cette narrativité, c'est chaque abat-jour, chaque lampadaire est une espèce de panoramique, si on veut. Vous avez joué avec ce format-là de 2 mètres de haut par 8 mètres de large, donc d'en faire des espèces de paysages. Vous avez joué sur la narrativité. Est-ce que vous essayez de raconter une histoire, pas quelque chose de concret, mais une histoire avec chacun de ces tableaux-là? Oui, il y a vraiment une temporalité quand même dans chaque image, puis c'est quelque chose qui a toujours été présent dans notre pratique, mais là, le format se prêtait bien à ça, c'est tellement panoramique, c'est comme pas habituel vraiment comme format très horizontal. Parce qu'on peut pas horizontal. Les embrasser du regard d'une seule fois, comme un panoramique classique. Là. C'est ça. Donc, on est venu des fois mettre un même élément, tu sais, en 3, 4, 5 temps. Mais, tu sais, on a travaillé de façon quand même assez intuitive aussi, en se concentrant pas nécessairement juste au milieu de l'image. On est venu insérer des espèces de petits éléments, tu sais, à différents endroits pour que ça puisse s'apprécier, en fait, de tous les côtés. Donc, pour faire des rappels, pour venir, justement, comme tu dis, insérer une temporalité, donc une histoire en plusieurs temps sur une même image. Oui, vraiment. C'est comme les bougies qui sont allumées à différents stades, ou des petits animaux. On a mis des petits bibelots, plein de petits personnages, des peluches aussi à travers tout ça. Donc, on retrouve des fois d'un abat-jour à l'autre, qui a vraiment quand même des clins d'œil dans l'ensemble. Oui, beaucoup de clins d'œil à notre travail en général. On a recyclé quand même des bouts d'œuvres, quelques bouts de maquettes, puis de... Fait que, tu sais, les gens qui connaissent un peu notre travail vont reconnaître là les écureuils, les oiseaux, les bougies, etc. Mais c'est réellement des morceaux d'œuvres qu'on a pris, parce que quand on a commencé à travailler là-dessus en mars, ben tout était fermé, là. Tout s'est fermé autour de nous. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on va travailler uniquement, tu sais, avec qu'est-ce qu'on a sous la main. ce qu'on fait de temps en temps quand même, mais tu sais, là, c'était vraiment, on n'avait pas le choix, là. Fait qu'on a, on est vraiment sorti plein de petits matériaux qu'on ramasse un peu partout, des maquettes, c'est ça, des morceaux, des éléments qui font partie de certaines sculptures. Et puis, bon, ce sont des œuvres d'art publiques. Vous avez déjà, dans les dernières années, fait quelques œuvres d'art publiques. Là, on pense, bon, évidemment, aux Frères Stassny, mais également des initiatives avec Manif d'art. Et puis, c'est quoi la différence pour vous dans votre processus de produire une œuvre d'art qui est destinée à l'espace public, qui a une échelle beaucoup plus grande, que de produire des œuvres qui sont destinées à la galerie ou au musée, par exemple? Il y a, ben, dans notre travail qui est plus en galerie, centre d'artiste, tout ça, il y a vraiment un côté à la fois tendre, mais aussi grave, tu sais, tragicomique. Il y a comme une espèce d'anxiété puis une inquiétude qui fait partie de nous puis qu'on aime explorer avec notre regard d'artiste. Tandis que quand on travaille sur une œuvre d'art public, tu sais, on se concentre vraiment plus sur la partie onirique, je dirais, de notre travail. Puis tu sais, ça fait du bien en même temps de se concentrer sur des éléments un peu plus positifs qui font aussi partie de notre travail, comme le jeu, la matérialité, la narration, la lumière. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plein d'éléments qui se prêtent bien, mais c'est comme si on évacuait une certaine partie un peu plus anxieuse, sombre, là, qui nous intéresse énormément, mais qu'on exploite, tu sais, à d'autres moments. Fait que ça nous fait du bien quand même de se plonger dans des projets d'art public, là. Ça rend heureux. Oui, ouais. Oui, oui. Bien, on essaie de rendre le public heureux, justement. Oui. Mais je vous remercie beaucoup, Pierre et Marie, pour ce bel entretien. On se dirige vers l'avenue Cartier, puis on a jusqu'à l'année prochaine, donc on a le temps. Oui. On peut aller voir et revoir et découvrir justement les petits détails qui sont insérés, les petits rappels qui sont insérés dans ces 34 installations lumineuses. Et nous, on va prendre une pause musicale. Alors, c'était la pièce Vénus que nous venons d'entendre. Nous sommes toujours à l'aérospatiale et on termine notre émission avec l'agenda de la semaine. Du 17 au 20 décembre, donc à partir de demain, il y a la Maison des métiers d'art de Québec qui tient une vente festive dans le local du Saint-Henri. C'est tout au bout de la rue Saint-Joseph, près du métro. Donc, c'est une belle occasion de découvrir et d'encourager les artisanes et les artisans de Québec. Oui, vous avez également jusqu'à dimanche 20 décembre pour voir l'exposition BGL Amélie Proulx à la Galerie 3. Vous pouvez entendre le compte-rendu de notre chroniqueuse Myriam Dufour dans la balado du 25 novembre dernier qui est sur notre site web l'aérospatialecrl.wordpress.com. Et il y a également la résidence du collectif Ambitieux qui se termine dimanche le 20 décembre. Donc, c'est à Regard à Lévis dans leur nouveau local, l'autre gare qui est la véranda de l'ancienne gare fluviale. Vous pouvez aussi aller écouter le balado de la semaine dernière pour entendre leur collectif au sujet de ce défilé ambitieux. Donc, Myriam Leland, c'est toi qui les avais rencontrés. J'ai eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, à les rencontrer sur Zoom, mais tout aussi chaleureux et rigolo. Puis finalement, vous avez jusqu'au 23 décembre, donc la semaine prochaine, pour aller faire un tour sur le site Internet de la Galerie A pour les expositions virtuelles de Virginie Mercure et Nathalie Thibault. Il y a deux semaines, je m'étais entretenue aussi justement avec Anne d'Amour McDonald, la propriétaire, la galériste en fait, et Virginie Mercure qui est une des deux artistes. Donc, vous pouvez aller réécouter ça aussi. On vous met plein de balados disponibles pour le temps des fêtes. Ben oui, il faut bien s'occuper. Exactement! Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission, comme on le disait, sur notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisqu'on y garde un calendrier le plus à jour possible et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et on termine en remerciant nos invités, le collectif Pierre et Marie, Jean-Michel René, et un grand merci également à notre chroniqueuse de la semaine, Marie-Claude Drolet, et un salut spécial à notre Marc Rothko de la console, qu'on a très hâte de retrouver en studio, Jacques Gignac. Donc bonsoir Jacques, à la maison. On se laisse pour une dernière piste de l'album Because of a Flower d'Anna Roxanne qu'on découvre aujourd'hui. Donc, c'est la pièce Take the Thorn, Leave the Rose. Et on se dit, Myriam, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'aérospatiale. À la semaine prochaine!